Je n'ai rien fait de mémorable, je n'ai jamais rien inventé. On peut pas dire que je sois rentable pour la marche de la société. Je le sais, je suis inutile à la vie de la fourmilière. Mes préoccupations vous semblent futiles, je suis une petite fourmi solitaire. Et si jamais je vous dérange, je vous promets de me faire tout petit. Moi, ce que je demande en échange, c'est juste que le monde m'oublie. Une minute, une seconde, je prendrai tout ce qui viendra. Et même si la terre est ronde, elle a bien un recoin pour moi. Je ne réclame pas quoi que ce soit, bien au contraire, je veux juste le ciel comme toi et le soleil pour réverbère. Et si jamais je vous dérange, je vous promets de me faire tout petit. Moi, ce que je demande en échange, c'est juste que le monde m'oublie. Juste un endroit loin du vacuum, où l'on entend encore les oiseaux. Un endroit où l'on pourrait déposer les armes et s'allonger au bord d'un ruisseau. Oubliez le monde à mes trousses, arrêtez de courir pour rien. Juste pouvoir me la couler douce, juste savoir que tout va bien. Et si jamais ça vous dérange, je vous promets de me faire tout petit. Bercé par le chant des mésanges et de me glisser dans leur nid. Et si jamais je vous dérange, ne vous faites donc aucun souci, car je dois dire que ça m'arrange, j'aime assez me faire tout petit.